Alors nous faisons une nouvelle partie pour les rapports entre l'Église catholique et la doctrine fasciste, premièrement. Et puis, parce qu'on nous a envoyé des questions, on va en prendre quelques-unes. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire, donc peut-être qu'il y aura une troisième partie, quatrième, cinquième, on ne sait pas. C'est un truc qui nous tient à cœur parce qu'on n'arrête pas de nous répéter « Oh là là, mais tu ne peux pas avoir le moindre début de sympathie pour le régime national-socialiste en tant que catholique, puisque ça a été condamné, l'encyclique, Mine, Brennender's orgueux. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Bobby? T'es hérétique ?» Ras-le-bol. Ras-le-bol de ces gens qui répètent ces idioties. C'est faux, c'est archi-faux. Dédé, tu veux commencer par là, peut-être? Qu'est-ce qu'elle dit, cette encyclique, qu'on n'arrête pas de nous ressortir à chaque fois? Bah, effectivement, la France, elle est envahie d'une vingtaine de millions de métèques, on est complètement sous contrôle juif, mais au moins, on parle pas allemand. Et en fait, tout le problème vient du fait qu'on a perdu la Seconde Guerre mondiale, donc je dis on, donc les forces de l'Axe, hein, donc les forces fascistes, donc vraiment la croisade des fascismes. En fait, cette encyclique, malheureusement, il y a, on va dire, dans la tradition, voilà, de manière générale, les catholiques, même nos contemporains, ne la lisent pas, tout simplement parce que les gens étudient assez peu cette période de manière neutre et objective. Or, pour étudier cette période, comme n'importe quelle autre période, il faut toujours se baser donc aux documents de cette époque et pas aux on-dit des auteurs qui se copient les uns les autres. Donc là, je fais un peu référence aux travaux de Robert Fourisson et Vincent Renoir, hein, voilà, donc, sur un autre sujet, mais qui découle encore une fois de ce sujet de la Seconde Guerre mondiale. Donc, concernant l'encyclique Mine, Brennender's orgueux, cette encyclique ne condamne pas le national-socialisme dans son essence. Cette encyclique condamne quelques excès qui ont été commis par certains membres du Parti national-socialiste. Donc ça, c'est une réalité. Et pour la plupart des gens, ça s'arrête là. Encore, pour la plupart des gens, quand ils ont lu l'encyclique. Or, il faut savoir que les Allemands étaient tellement surpris que Vatican ait écrit cette encyclique, bah, qu'ils ont envoyé des protestations à Vatican, ce qui est plutôt légitime, en disant, ben voilà, on est surpris, on ne comprend pas, vous nous faites des reproches, peut-être légitimes, mais ce n'est pas le bon moment pour les faire, parce que là, on est en lutte contre les communistes et les bolcheviks, et ces enfoirés de bolcheviks se servent de cette encyclique contre nous. Alors les communistes, qui sont complètement anticatholiques, ils brandissaient l'encyclique pour dire « Ah, nanana, regardez, même le Vatican vous condamne. » La loi n'est pas rendue au nom de Dieu, mais au nom du peuple français. C'est comme ça que ça se passe. Et le peuple français, eh ben, il n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire avec Dieu. Et quand je dis le peuple français pas d'accord avec ce qu'il faut faire avec Dieu, je vais en profiter, je vais profiter de mon passage chez vous pour dire une chose. En France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou d'athées, ou de gens qui pratiquent la religion d'une manière personnelle, dans le secret de leur cœur, qui savent que dans toutes les religions, on recommande de ne pas faire le tartuffe, le bigot ostentatoire. Et tous ces gens demandent qu'on les respecte. C'est notre tour de demander à être respectés. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. D'accord ? Faites ça chez vous, faites-vous dans votre cœur, dans votre pratique, montrez que vous êtes bon, montrez que vous obéissez aux principes de vos religions, et laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre vie. Voilà, il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion. Et, donc ce qui est intéressant, c'est que suite à cette missive allemande qui se plaignait un petit peu de comment avait été diffusé le ton de l'encyclique, Vatican a répondu, donc ça c'est vraiment un texte qui est très peu connu, en disant non, nous ne condamnons pas ni le Führer, ni le régime national-socialiste. Et là, du coup, ce sont des mises au point. Du coup, moi, je peux recommander à tous nos auditeurs d'acquérir le livre de Pierre Maximin, donc, qui est une étude de cette encyclique. Donc, le bouquin s'appelle « Une encyclique singulière sous le Troisième Reich », avec la missive de l'Allemagne au Vatican et la réponse du Vatican. C'est très intéressant, ça permet de comprendre cette période. Donc, cette encyclique, moi aussi, il faut savoir qu'elle avait été destinée uniquement à l'Allemagne, donc au peuple allemand, elle a été écrite en allemand, etc., elle ne revêtait pas le caractère infaillible et universel d'une encyclique diffusée à toute la Terre pour tous les fidèles, qui force les fidèles, etc. L'infaillibilité ne joue bien sûr que dans des conditions très précises. Première condition, il faut que le pape s'exprime comme pasteur universel. Ça signifie que toute prise de position sur des problèmes particuliers est exclue. Deuxième condition, il faut qu'il engage explicitement son autorité apostolique, celle qu'il détient comme successeur de Pierre. Sont ainsi exclues les prises de position personnelles et les enseignements de circonstances, même dans des textes très officiels comme les encycliques. Troisième condition, il faut que les définitions touchent à la foi et aux mœurs. Sont ainsi exclues les questions politiques, par exemple. Et sachant que moi, voilà, forcément, en tant que catholique, j'adhère totalement à l'encyclique et aux excès qui ont été condamnés. Notamment, il y avait un petit peu de paganisme par-ci, par-là, un petit peu des points de controverse sur l'éducation de la jeunesse. C'est vrai que l'Église dit que l'éducation de la jeunesse est propre à l'Église, alors que les régimes fascistes vont dire que c'est un domaine qui est mixte. C'est l'État. C'est pas l'Église qui dit ça, hein, c'est Pie XI, mais c'est un dogme de l'Église que... Enfin, bref. Bah, oui, quand je dis l'Église, du coup, c'était Pie XI effectivement qui était à sa tête, et donc voilà la doctrine de Pie XI sur ce sujet. Mais nous, en tant que fascistes, alors bien sûr, il faut que l'Église ait son mot à dire dans l'éducation des enfants, c'est très important, mais avant tout, les enfants, ils appartiennent aux parents, et l'État n'est que la prolongation des familles, des parents, c'est la communauté des individus qui font la nation, en fait. Ce qui veut dire que l'éducation est un domaine mixte, en même temps, il appartient aux parents, donc à l'État, par extension, et à l'Église, pour sauver leur âme. Donc voilà, il y a eu des petits points d'achoppement, des choses comme ça, mais finalement, rien de grave, et surtout, pas de condamnation dans son essence. Donc à chaque fois, quelqu'un vous dit « Vous, les nazis, d'Oremus, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Vous avez été, comment vous pouvez être catholique ? Vous avez été condamné par l'Église. Bon, bah déjà, ces gens-là, il faut leur dire, lisez l'encyclique. Et après, on en reparle. Mais étudiez-la vraiment. Une citation de Pie XII, il était encore cardinal secrétaire d'État, il n'était pas encore Pie XII, et il a dit « L'encyclique n'est en aucun cas une condamnation du gouvernement du Reich. » Écoutez, c'est quand même très clair, et c'était une réponse directe à l'ambassadeur du Reich auprès du Saint-Siège. Encyclique, il y a des éléments où alors c'est pas, les gens sont pas cités directement et c'est pas marqué Hitler, Himmler, machin. C'est Himmler qui est visé sur certains aspects et c'est d'ailleurs tout à fait normal parce qu'à un moment donné Himmler il est vraiment parti en cacahuète et il faisait n'importe quoi. C'est ce côté néo-païen fou a été condamné et tout à fait légitimement. Pareil, le côté culte du chef, ça allait beaucoup trop loin. Alors on respecte le chef, etc. Le pays, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, Hitler, quand il se coupe, il saigne hein, comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, il a une vie terrestre et il meurt comme tout le monde aussi. Ça a été rapporté à juste titre dans l'encyclique. Les gens, s'ils vont se pencher un peu sur l'encyclique, ils vont même s'apercevoir qu'au début, il y a tout un tas de trucs qu'on ne pourrait même plus comprendre actuellement parce que ça parle d'un concordat, en fait, des accords qui étaient passés entre le Vatican et puis le Reich allemand. Et donc, tout un tas de détails, alors faire comme ci, pas comme ça. Donc, si vous voulez, le caractère infaillible de cette encyclique sur ces sujets purement, on va dire, là, vraiment, on est vraiment dans des domaines entre le religieux et la politique, on est vraiment en plein dedans. Donc si vous arrivez à dégager une doctrine infaillible là-dessus, sur une encyclique, comme l'a rappelé Dédé, écrite en langue allemande, je sais pas si il y a beaucoup d'encycliques comme ça qui n'ont pas été écrites en latin, je pense que c'est la seule. Hein. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui prouvent que le régime, que la doctrine national-socialiste en tant que telle n'a pas été condamnée. Eh ben écoutez, moi je vais vous donner un autre élément. C'est que les termes nazi, national-socialisme, tout ce que vous voulez, ils sont même pas dans l'encyclique. Ils sont même pas dedans. Alors, en fait, le fait que ce soit écrit en allemand dans cette encyclique, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'il y a une encyclique qui est écrite en allemand, en fait. Avant, c'était c'est vraiment la toute première. Première et dernière, d'ailleurs. Oui, il y en avait une qui avait été écrite en italien par Pie XI aussi, peu de temps avant, on pourra en parler. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là et il faut en parler parce que personne n'en parle et personne ne se soucie de la vérité historique sur ce sujet. Donc il faudrait faire 450 émissions dessus, on n'aurait pas terminé. Mais il faut procéder simplement. Donc déjà, cette accusation qui nous est faite encore et encore quand on professe que nous sommes fascistes de raison et aussi catholiques, ce qui ne veut pas dire que nous embrassons intégralement tout ce qui a pu être fait par accident dans ces régimes, dans cette période historique, nullement, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais on dit qu'ils ont mis en évidence une doctrine politique et une action politique basée sur des principes éternellement vrais, et qui étaient les seuls à pouvoir nous sauver de la gadoue dans laquelle on patauge actuellement. Et nous avons des arguments pour le démontrer, et nous sommes prêts à discuter. Alors, quand on tient ce discours, qui n'est pas... On n'est pas en train de dire qu'on veut mettre tout le monde dans un four, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Levez-vous, monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées. On est en train de dire, ok, nous on arrive en 2023, on voit qu'il n'y a absolument que des ruines autour de nous, et on essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Voilà, on se questionne. Et quand on dit ces choses-là, on a un bien-pensant catholique qui va être, ou un clerc qui va être en face de nous, et qui va nous dire... Monsieur, il ne va pas avoir d'argument parce qu'il ne s'est pas intéressé au sujet pour des raisons psychologiques ou autres dont on pourrait parler aussi pendant très longtemps. Et il va utiliser vous savez, cet argument, le pire argument en philosophie, l'argument d'autorité. Il va essayer de se revêtir de l'autorité de l'Église et il va nous dire « Comment ça? Comment osez-vous? L'Église a condamné le fascisme. Si vous continuez à tenir ce discours, mais monsieur, vous n'êtes pas catholique. » Je vous dis ça, alors que bon, je sais que je suis catholique, j'ai pas besoin de qui vous êtes pour me dire que moi je suis pas catholique. Et quel argument vous utilisez? Que l'Église, non, c'est vous qui voulez condamner le fascisme, mais comme mes camarades Dédé et Bobby l'ont montré, le fascisme en tant que tel n'a jamais été condamné par l'Église. Il faut le répéter, il faut l'écrire sur tous les toits, mais c'est désolant pour ces gens-là. Je sais, vous aimeriez que l'Église ait condamné le fascisme, mais non, il n'a pas condamné le fascisme. Par contre, il a condamné le communisme. Par contre, Notre-Dame... Ou l'Action française. Oui, l'Action française. Par contre, Notre-Dame, à Fatima, nous a parlé du danger qui vient de la Russie. Et elle nous a dit, si on ne prie pas, si on ne fait pas tout ce qu'il faut, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde. Et quelle était la condition pour que la Russie répande ses erreurs à travers le monde? N'était-ce pas la défaite des forces de l'Axe? Donc on dirait qu'elle voit la défaite des forces de l'Axe comme un malheur, Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Elle ne parle pas de la Shoah, ce qui fait dire à beaucoup de modernistes, hein, d'antifascistes, forcément, mais qu'ils ne croient pas en fait, aux apparitions de Fatima à cause de ça. Ou sinon, ils disent que Dieu est injuste parce qu'il a refusé de parler de la Shoah. Alors, je suis heureux ce soir de recevoir sur ce plateau Maître Simon Krokfeld. Bonsoir Maître, c'est un honneur. Maître, vous êtes bien évidemment, et vous êtes connu du grand public parce que vous êtes président de cette honorable association des beaux-frères et belles-sœurs de déportés. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille de la reconnaissance éternelle par Nicolas Sarkozy en ce début d'année. Vous avez reçu la mérite agricole. Enfin bon, j'en arrête là avec les décorations, je crois qu'on pourrait y passer la nuit. Vous avez été surtout connu pour votre œuvre indispensable et inégalée de la traque aux nazis. Je crois que c'est cette traque qui vous a fait rentrer dans l'histoire de France et l'histoire certainement de la planète, voire même de l'univers. Vous avez personnellement permis l'arrestation récemment, spectaculaire d'ailleurs, arrestation de Hans Müller, 13 ans et demi, l'arrière-petit-fils de Göring. Arrière-petit-cousin, on ne sait pas très bien, en tout cas par alliance, qui jouait au foot avec ses copains, donc devant chez lui, que vous avez fait arrêter par le Mossad, et qu'il est extradé, bien dire, il sera jugé en Israël à la fin du mois. Donc voilà, sur ce point précis, l'accusation de « si vous vous dites fasciste, vous n'êtes plus catholique », ben non, c'est faux. Bon, on a même déjà sorti que... la fameuse encyclique, elle dénonçait bien sûr le national-socialisme en tant que doctrine, de manière infaillible, tout ce qu'on veut, parce que les nazis, ils n'ont pas toujours été très gentils avec les juifs, et parce que la Shoah. Alors c'est embêtant, pour une encyclique qui a été rédigée avant le début de la Seconde Guerre mondiale, de parler de la Shoah. C'est bizarre comme truc, ça n'a pas de sens votre histoire. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout que j'ai l'impression en fait, que les gens sont bien plus durs avec les nationaux-socialistes, qu'ils le sont avec le communisme. C'est ça, en fait, c'est passé. Moi, j'ai cette impression, en tout cas, quand je vois avec les gens, c'est « Ah non, Hitler, les nationaux-socialistes, etc. etc. » On a quand même subi une propagande massive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'est accentuée, qui continue à s'accentuer, même si, du coup, avec l'invasion qu'on subit, elle a tendance à diminuer petit à petit, enfin, du moins, l'importance des espèces de préceptes qu'on essaie de nous apprendre. Mais j'ai l'impression vraiment qu'en général, on a été bien plus dur avec la société socialiste qu'on n'a jamais été avec les communistes. Pourtant, les communistes ont été très clairement condamnés par l'Église, ce qui n'est pas le cas du fascisme. Ah, je prends la main, messieurs. Donc, on a dit beaucoup de choses déjà par rapport à la partie 1, et j'éviterai un peu les répétitions. Je crois que j'avais parlé un peu plus de l'Italie que de l'Allemagne pour ma part. J'ai essayé de me rattraper un peu le mois précédent, vous savez, sur le racisme anti-germanique, avec les ouvrages de Philippe Gauthier. Je pense donc à la relation entre l'Église et le fascisme, mais aussi le fait de devoir définir ce qu'est le fascisme pour qu'il soit compris. Donc, pour un peu citer Merel, c'est une contre-révolution révolutionnaire, révolutionnaire en tant que processus, ça ne veut pas dire qu'on est partisan de 1789, bien au contraire. Quoique ça a porté du bon, comme le reconnaissait le contre-révolutionnaire Antoine Blanc de Saint-Bonnet, qui est l'héritier de Joseph de Maistre et qui fait partie de la deuxième génération de contre-révolutionnaires, si bien que, contrairement à Joseph de Maistre, il ne croyait plus à un retour de la royauté et il n'a pas connu l'Ancien Régime. Donc ça, c'est un fait intéressant et c'est exactement la même chose, d'ailleurs, pour Donoso Cortés. Contre-révolution révolutionnaire, pourquoi ? Parce que quand l'ordre n'est plus dans l'ordre, il faut l'y remettre. Et le fascisme est en quelque sorte un populisme noble, un socialisme aristocratique, un nationalisme révolutionnaire, un socialisme non marxiste, qui a, après, toute une série de mythologies, la poésie, du romantique, c'est assez complet, on va dire, et assez élitiste en même temps. Si vous voulez être chef, vous pouvez le devenir, mais il va falloir être responsable, grosso modo. Il y a certes le désir de créer un homme nouveau, mais pas détaché de ses racines. C'est plus l'homme rénové du christianisme à échelle naturelle, un discours qui s'adresse à notre nature et qui ne prétend pas être vérité religieuse ici. On restaure aussi la grandeur passée, parce que ça a à voir quand même avec le patriotisme, un sentiment perdu, sous l'impulsion, normalement, comme dans l'histoire d'un chef charismatique, un chef unique de parti, d'un parti autoritaire et centralisé. On peut faire penser, mais avec une élite qui est quand même à peu près au même niveau, un peu comme dans le roman d'Arthur, il y a toute une série de complexités. Mais c'est cette union un peu du conservatisme et de l'esprit révolutionnaire, un peu comme le disait François Duprat. Et ce qu'il définit le mieux, c'est le vitalisme. Partout où il y a du vitalisme, il y a du fascisme, que ce soit pleinement avoué, défini comme tel ou non. C'est vraiment vivre, c'est être en mouvement, vaincre la mort, vaincre la paresse, voilà, et avoir toutes les conditions qui font que l'on vit. Il n'y a pas de victoire sans lutte, il n'y a pas de lutte sans souffrance, donc ça fait partie de la vie, même son aspect de dureté, et c'est une vérité métaphysique que le fascisme exprime et qui il démontre par là qu'il est véritable, même voilà, dans le règne naturel. Les animaux ont une certaine façon leur noblesse, ils obéissent à leur nature, ils font ce qu'ils sont, et donc dans le royaume animal, le fascisme existe, le communisme, lui, non, il n'existe pas. La lionne connaît la chanson. Pour s'épargner un coup de corne, elle évite l'affrontement. Mieux vaut une approche furtive et une attaque surprise. Les herbes hautes camouflent ses déplacements. Tapis au sol, elle progresse en toute discrétion. Elle vise l'arrière-train, quitte à s'exposer à une ruade. Le risque est calculé. Avec ce gnou adulte, la troupe tiendra plusieurs jours. Il y a quand même une hostilité, non pas entre l'Église et le fascisme, mais en des gens qui se réclament de l'Église, je les appellerai les surnaturalistes, alors on pourra les définir, mais il y a en effet une hostilité déclarée entre, d'un côté, les surnaturalistes et le pendant politique des surnaturalistes qui sont les théocrates, et le fascisme de l'autre côté. Il y a, dans le monde de la tradition, malheureusement, c'est minoritaire, mais on les voit un peu trop, des cathotradis qui ont une sympathie nazie et qui associent nazisme et catholicisme traditionnel. C'est inconciliable, c'est soit l'un, soit l'autre. Et il y a aussi cette hostilité évidente entre le subjectiviste, c'est-à-dire le démocrate, le monde actuel, et le fascisme. Alors, aujourd'hui, on en est à un point. En fait, le monde blanc se suicide. C'est clair qu'on est en train de se suicider. On peut interpréter tous les mots qui nous tombent dessus comme des moyens de suicide. L'immigration, c'est une façon de diluer notre sang, de nous suicider. La contraception, c'est une manière de tuer nos enfants à naître. L'avortement, c'est la même chose. C'est encore une manière pour l'homme blanc de se suicider. On a vu l'épisode du vaccin Covid. On peut aussi voir ça comme un désir de mort qui habitent nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous n'avons plus de but, nous n'avons plus de raison de vivre. On a juste une fausse raison de vivre qui est l'individualisme, le consumérisme, le moi. En fait, chaque moi devient la fin, la finalité de toute existence. Mais sauf que c'est faux, c'est un mensonge. C'est pas une vraie raison de vivre, le consumérisme. Donc du coup, on n'a plus envie de vivre, on se suicide. C'est ça qui est en train de se passer. Ça n'a pas toujours été le cas. En Europe, à un moment donné, on avait une vitalité, on avait envie de vivre. Si on se reporte au Moyen-Âge, le christianisme, il a changé le monde quand même. Il nous a révélé une nouvelle fin ultime, il faut bien l'appeler ça comme ça, qui est le ciel et qui est l'union avec Dieu. Et ça, c'est la fin ultime. Et nous, nous sommes fascistes, mais nous n'allons pas le nier, que c'est vraiment la fin ultime de tout individu, de toute personne humaine, c'est d'aller au ciel et de contempler Dieu. Mais ce n'est pas l'ordre naturel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été donné gratuitement par Dieu, qui nous a invités dans sa vie à lui. Mais à la base, il nous avait doté d'une nature et il nous avait aussi donné une finalité qui allait avec cette nature. Nous avons une finalité naturelle dans ce monde. Et la finalité surnaturelle ne vient pas en opposition à cette finalité naturelle. Et justement, les surnaturalistes, eux, vont vivre cette introduction de la grâce comme une contradiction de la première finalité naturelle. Une suppression. Voilà, une suppression. Et donc, en fait, au final, tout le côté naturel doit disparaître devant le prêtre et devant l'Église. Et c'est alors qu'au contraire, la grâce élève la nature, justement. Oui, alors que voilà, la grâce, elle fait deux choses. Elle est sanance et élévance. Sanance, ça veut dire qu'elle soigne la nature, elle soigne les effets du péché originel. Et donc, elle nous remet en possession de notre nature, possession que nous avons perdue à cause du péché. Et donc, nous sommes d'autant plus capables d'atteindre cette fin naturelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est la grâce, que c'est l'Église qui doit se substituer à nos initiatives dans l'ordre naturel. Et le problème, c'est que cette harmonie en fait, entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel n'a pas été compris, n'a pas été, même philosophiquement, ça n'a pas été identifié. Donc, on a eu un basculement, soit du côté du naturalisme complet au début, avec la Renaissance, etc., ce qui... Au final, en fait, c'est très vite, c'était même plus un naturalisme, parce qu'en fait, la nature rend témoignage aussi d'une volonté d'un créateur, donc c'est devenu le subjectivisme. Et ça s'est divisé d'un autre côté dans le surnaturalisme. Surnaturalisme, c'est ancien. On a en France, d'ailleurs, ça nous parle beaucoup avec les... Comment s'appelle-t-il déjà les ennemis des jésuites. Oleg de Normandie. Non, non. les jansénistes. Non, les jansénistes. Les jansénistes, c'est des gens qui, en fait, qui réduisent la nature à un truc complètement horrible. Ils passent leur temps à se regarder dans le miroir et à dire à quel point ils peuvent que pécher et faire que pécher. Et voilà, c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'au final, tu fais mourir la nature. Et en fait, le problème, c'est que tu fais aussi mourir la surnature. On le voit actuellement, on vit dans des sociétés où la nature est détruite. La consistance ontologique des nations s'évapore avec le temps et, comme par hasard, la surnature, l'Église, part avec. Donc en fait, si tu veux qu'il y ait une vie de l'Église forte, il faut qu'il y ait une vie politique, une vie naturelle forte. Le fascisme, en fait, est venu rappeler la finalité naturelle de l'existence, qu'en tant qu'individu, le but de notre vie n'est pas nous-mêmes. Le but de notre vie, c'est de servir un corps dont nous faisons partie, qui est notre nation. Comme il n'y a pas d'individualisme dans la nature, une petite cellule, elle ne vit pas pour elle-même, elle vit pour le corps dont elle fait partie, c'est la loi de la nature. Ça s'appelle la primauté du bien commun, organique, sur le bien individuel et particulier. D'où la mention des animaux, même les fourmis organisées en royauté, entre guillemets, mais vous voyez l'idée. Ouais. Tout n'est qu'une... manifestation, c'est une image de la vie divine en fait, parce que la vie de la Trinité, c'est un bien commun aussi. Vous avez trois personnes et un seul Dieu, et tout le reste est une image en fait. L'organicité qu'on observe sur Terre, que ce soit dans les réalités, dans les plantes, dans les organismes sans âme immortelle, ou encore plus dans la société humaine, c'est une image. Et plus on se rapproche des réalités élevées, plus cette image est forte, plus la primauté du bien commun l'emporte sur le bien particulier. Et ça, voilà, on peut comprendre que ça ne plaît pas au subjectiviste qui veut tout rapporter à lui-même, mais ça va ne pas plaire aussi au surnaturaliste qui, en fait, subordonne toute la société civile au salut individuel de la personne. Donc, en fait, c'est un personnalisme. On se retrouve dans une situation où le bien commun, c'est plus vraiment une finalité. Voilà. Et bon, le fascisme a dit non. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Finalité terrestre, c'est le bien de l'Allemagne. Ça leur a pas plu. Et j'aimerais bien introduire le sujet de l'Allemagne et des églises aussi, où, avant que le régime national-socialiste se mette en place, il y a ce qu'on a appelé après la guerre, la révolution conservatrice, et donc tout le mouvement de contestation envers la République de Weimar, si bien qu'on parlait déjà d'un Troisième Reich, mais pas celui qui a été ensuite. Bon, à la fin, après la guerre, on a eu le traité unique de Versailles et tout ça, où les gens ont été traités à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, j'entends, mal pour l'Allemagne et l'Italie, si bien que les anciens combattants et la classe moyenne a fait naître ce mouvement, en quelque sorte, l'a soutenu, l'a porté, l'a diffusé. Et quand même, pour le cas de l'Allemagne, on est quand même passé du Kulturkampf anti-catholique de Bismarck, hein, parce que le Kulturkampf n'était pas du tout, chrétien, du moins pas du tout catholique, et à un concordat. Alors le concordat, l'Église le fait, je crois, c'est une façon imparfaite, c'est dans le titre, c'est qu'on ne s'entend pas sur 100% des points. C'est le Christ-Roi n'a pas été déclaré ou quelque chose comme ça, donc c'est dans le titre, on a envie de dire. Et moi, ce que je vois, c'est que je crois que c'est Renoir qui avait fait un travail là-dessus sur la construction, la restauration des églises en Europe sous l'impulsion du Troisième Reich. Donc je ne sais plus exactement les chiffres, hélas, mais il y en a eu des milliers. Et si certaines peuvent être détruites durant la guerre, sachez que même Napoléon Bonaparte en a détruites, mais c'est pas par anti-catholicisme pur, c'est à cause de la guerre. Donc là, c'est un peu pareil, on ne peut pas tout revendiquer comme pour servir sa sauce anti-nazie. Et moi, ce que je vois, c'est les statistiques, la pratique de la religion en Allemagne. Il faudrait voir, ça doit être de l'irréligion à 40% à l'heure actuelle, hein, si on regarde les statistiques. Et alors que quand on voyait avant l'avènement d'Hitler, c'était à peu près 40 millions de protestants, si bien que, essentiellement divisé en deux blocs, avec protestants et catholiques. Et il y avait 30% d'écart à peu près. La pratique protestante, c'était 62%, vous voyez. Et pour 1933, avec arrivée fraîche d'Hitler. Et en 1939, des statistiques sont faites, donc avant la guerre et 6 ans de travail de régime, on voit carrément, je vous dis, ça passe de 62% protestants et 32% catholiques à 54% protestants, 40% catholiques. Moins 8% pour l'un, plus 8% pour l'autre. Je ne dis pas que c'est que des protestants qui ont basculé de l'autre côté, mais la force du concordat a donné une telle force à l'action de l'Église, et le régime était finalement si bien ancré dans les choses naturelles que ça a quand même bien permis, et on voit que rien qu'en 6 ans, rien qu'un concordat inespéré, on l'a obtenu, et en plus la pratique de la foi s'est décuplée comme pas possible, et même le protestantisme a régressé. Je ne sais pas si vous imaginez, à l'heure actuelle ou en 2023, l'Allemagne, elle est agnostique, quoi, elle n'a rien du tout. Il ne faut pas oublier aussi tous les pèlerinages qui étaient organisés en Allemagne, alors que soi-disant l'Allemagne était anti-catholique, alors qu'il n'y avait aucun problème pour les catholiques de se rendre justement sur les lieux de pèlerinage, la pratique augmentée. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir ces données en dur qui sont contraires à toute la doxa et toute la propagande que l'on nous fait sur l'Allemagne nationale-socialiste. Effectivement, le cardinal Fallbauer, il a même déclaré que s'il y avait autant de monde dans les pèlerinages donc catholiques en Allemagne, c'était grâce au Führer. Bon, c'est voilà, c'est quand même une belle reconnaissance. Après, je voulais un petit peu rebondir sur ce que tu as dit, Rex. T'as un peu donné une définition du fascisme. Je pense qu'on peut aussi se référer aux écrits de saint Thomas d'Aquin, donc dans son ouvrage Le Do Ré Mi, qui parle de politique. Donc, grosso modo, hein, ce qu'on peut tirer de cet ouvrage, c'est que saint Thomas d'Aquin, il définit donc le meilleur régime, donc pas le régime parfait, hein, parce que la perfection n'est pas de ce monde, et ça, ce n'est que le bon Dieu, bien sûr. Je te vois arriver avec de l'hitlérotomisme, non ? Ouais, exactement, on va faire un petit peu d'hitlérotomisme. Donc le bon saint Thomas pouvait nous dire que le meilleur régime, c'était la monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie. Et en fait, ça correspond mais tout à fait à la définition du fascisme, comme tu nous en as un petit peu parlé, Rex. Donc la monarchie, donc en deux mots, hein, monarchie, donc le gouvernement d'un seul, donc un chef suprême, le Führer, le Duce, tempéré d'aristocratie, donc autour de lui avec des conseillers qui se sont hissés du peuple, hein, on va dire un petit peu de la démocratie, mais par leur mérite, vraiment par leur mérite, et pas parce qu'ils appartenaient à une ancienne aristocratie prussienne ou je ne sais quoi, non, c'était vraiment des hommes du peuple qui étaient les meilleurs dans leur domaine et qui entouraient autant soit le Führer que le Duce d'ailleurs. Et donc et la démocratie, puisque le Führer, bah, contrairement par exemple à l'Autriche, hein, avec Dollfuss, le chancelier Dollfuss, le Führer, lui, n'a pas abrogé le Parlement, par exemple, il n'a pas supprimé le Parlement avant de faire passer des lois, des choses comme ça, même s'il était dictateur, et c'est que le national-socialisme a fait un régime de dictature, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Attention, je ne dis pas ça de manière péjorative. Dictature, c'est une concentration des pouvoirs donné. Effectivement, ouais. Dieu est un dictateur, d'ailleurs Dieu n'est pas un démocrate. Non, mais l'Église aussi. L'Église aussi est une dictature. Les fascistes ont repris un modèle, le modèle de politique, entre guillemets, si j'ose dire, de l'Église. C'est-à-dire, il y a une tête suprême, donc il y a le pape, et après il y a les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc. etc. Et bah, dans les fascismes, c'est pareil, il y a un chef suprême, avec en dessous des, voilà, des conseillers, des gens qui vont quand même trancher les décisions, etc. On a un petit peu parlé d'Himmler. Et c'est vrai qu'il y a certains païens qui se disent nationaux-socialistes, mais en fait, ils se disent nationaux-socialistes en se rattachant à Himmler. Mais non, les gars. Le national-socialisme, c'était Hitler. Et Hitler, il n'était pas du tout dans les délires d'Himmler. Au contraire, il se foutait un peu de sa gueule. Hitler, c'était vraiment la branche chrétienne du national-socialisme et donc du national-socialisme tout court. Bon, petit parallèle, comme tu vantes saint Thomas d'Aquin, eh bien, tous ces super-cathos, super-thomistes, là, qui sont parfois les mêmes qui s'opposent à nous, à ce que nous disons, il faut se rappeler que saint Thomas d'Aquin, de son vivant, a été condamné également, et par l'archevêque de Paris, qui était quand même puissance de l'université d'époque, et qu'on sait, en plus avec le dogme de l'infaillibilité, que même les évêques sont infaillibles en ce qu'ils tirent leur union au pape. Même saint Thomas d'Aquin a été condamné parce qu'il tenait des thèses nouvelles. Il y a eu certaines choses qui ont été rejetées, d'ailleurs, et tout le reste, bon, et il était même adopté presque comme... Le saint essentiel de la doctrine, en quelque sorte. Là où avant, c'était l'augustinisme qui régnait plus et où la distinction nature sur nature était plus floue, on va dire, moins définie. Donc c'est intéressant aussi comme parallèle avec saint Thomas d'Aquin, quoi, qui a eu quelques déboires. Même saint Louis, le très grand saint Louis, fut réprimandé par le pape de l'époque parce qu'il était très agressif au niveau de la chasse aux usuriers. Voulez-vous laisser l'argent ici ? Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France. Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ne le prenez pas pour vous. N'allez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les juifs et l'argent. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de régime parfait. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Le problème que l'on a aussi actuellement, c'est qu'effectivement, il est très facile de taper sur le national-fascisme, sur le national-socialisme, parce que les gens sont dans la recherche tout le temps de la perfection, de la supériorité morale. Rien ne sera jamais parfait sur cette terre. Il y aura toujours des choses qui peuvent être améliorées. Justement, mon cher Longinus, malheureusement, les gens ne sont pas du tout en recherche de cette perfection. Ça, je pense pas du tout. Après, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, bah, voilà, encore une fois, qu'il n'y a pas de régime parfait. Mais le fascisme, en tant que régime empiriste, en tout cas d'un certain type d'empirisme, c'est-à-dire qui souhaite s'améliorer, tend vers la perfection. Il ne pourra bien sûr jamais l'atteindre. Mais il tend vers cette perfection parce que dans le fascisme, dès qu'il y a quelque chose à améliorer, on l'améliore. Et si on a des mauvaises expériences, eh ben on les supprime, on les remplace, etc. etc. Tel que les corporations fascistes, par exemple, qui est juste une actualisation des corporations de l'époque médiévale. Pour revenir sur l'encyclique, il faut tracer une distinction à l'intérieur du parti nazi entre effectivement un courant néo-païen représenté par Himmler et par Rosenberg. Bon, il ne représentait pas non plus, par rapport aux millions d'Allemands qui étaient chrétiens, c'était vraiment pas grand-chose, mais ça existait. Donc effectivement, eux, ils avaient tendance à basculer dans des excès d'idolâtrie de la race et ce genre de choses, ce qui est condamnable. Effectivement, la race n'est pas un absolu, mais ce n'est pas rien non plus. Ça, il faut quand même reconnaître... aux nationaux socialistes ce bon sens de reconnaître que le patrimoine biologique d'un peuple est absolument essentiel à son identité. Comme le dit l'encyclique, la race, elle tient une place honorable, oui, voilà, et nécessaire. Voilà, donc c'est pas un absolu, oui, mais elle est honorable et nécessaire. Non, mais c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, et même dans les milieux tradis, où on voit qu'ils se mélangent même dans le mouvement d'action politique, c'est-à-dire qu'ils ont complètement oublié cette leçon, ils ne se rendent pas compte à quel point on est à quelques années de disparaître complètement à cause de ce fait-là. Mais bon, bref, Hitler n'appartenait pas à ce courant-là. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et la majorité des nazis n'appartenaient pas à ce courant-là. Alors, on fait d'Hitler un néo-païen agressif, mais on se base sur des faux, notamment sur le Hitler Mahdi. Et connaître ce bouquin qui était, voilà, on a démontré que c'était un faux historique, écrit par plusieurs auteurs en même temps, commandité par Willy Munzenberg, le chef de l'agence du Comintern à Paris, où ils ont pioché à droite, à gauche, même dans des bouquins de Maupassant pour mettre des paroles dans la bouche d'Hitler qui on n'en était jamais sorti. L'auteur a dit qu'il a rencontré des centaines de fois d'Hitler, il n'a rencontré que 4 fois au maximum, 100 fois personne. Ça, c'est de la propagande de guerre des Juifs pour monter les catholiques contre les fascistes, entre guillemets de bonne guerre, hein, voilà, surtout qu'eux, ils ont aucun scrupule à mentir, hein, de par la morale du Talmud. Dieu va voir Abraham, lui dit, pourquoi Sarah, elle a ri, elle a dit qu'elle était trop vieille. C'est pas vrai. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit, c'est Abraham qui est trop vieux. Alors Dieu va maintenant faire un Hachonara sur Sarah. Tu sais, Abraham, Sarah, elle a dit sur toi que tu étais impotent, que tu étais trop vieux. Un Hachonara, Dieu. Mais alors qu'est-ce qu'il... Il voulait quand même qu'Abraham corrige Sarah. Alors il a menti. Alors on n'a pas dit ça dans le judaïsme, on dit, dans la Torah, on dit, ou Shina, il a changé. Parce que justement, d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Dédé, qu'on disait que Himmler, c'était la version païenne et minoritaire du national-socialisme, ce qui est vrai, et Hitler, la version chrétienne majoritaire, ce qui est vrai aussi. On nous ressort, pareil, des fois, même dans nos milieux, hein, malheureusement, les fameux propos de tas d'Adolf Hitler qui prouveraient qu'en fait, il tuait des curés tous les matins. Voyez-vous, Hitler faisait, comme on dit, des monologues, qui ont été des monologues devant ses invités, c'était surtout le soir et la nuit, de 1941 et 1944. Et ces monologues, avec son autorisation, ont été notés par 2 secrétaires, l'un qui s'appelait Ingresheim, l'autre Henri Picker, qui étaient les bras droits de Martin Bormann. Alors, écoutez, ça a été débunké quand même pas mal de fois. Les propos de table d'Adolf Hitler, ça vaut rien. Le plus grand spécialiste de la question, c'est David Irving, qui s'exprimait publiquement sur le sujet. Il a prouvé que les fameux propos d'Hitler, donc c'était des rencontres. En gros, Hitler avait son dîner et puis il parlait. Et c'était soi-disant Bormann qui devait noter tout ça. Et puis après, il a publié le livre avec les dates, etc. Sauf qu'en fait, tout ça a été débunké. Bormann n'était même pas à Berlin, n'était même pas avec le Führer au moment où les dates sont indiquées sur le document. Et la personne qui a publié ensuite ce faux avouait par la suite que tout était bidonné, quoi. Et en plus, dans ces fameux propos de table, on dit tout et n'importe quoi, tout au contraire. Which brings me finally to the one fake in this connection. There is another version of Hitler's table talk covering his 1945 conversations. That is fake. The man who faked it was François Jeannot himself. He finally, after years, admitted this to me, because I was able to prove again and again that Bormann wasn't even in Berlin on the occasion of these conversations. These conversations can't have been authenticated by Heinrich Heim and Bormann. And finally, François Jeannot said to me, but Monsieur Irving, surely you would admit this is the kind of thing Hitler would have said. Yes, perhaps, but still not an objective source. And as an anti-Semitic racist, non-conformist, court-designated non-conformist historian, I'm proud to be very choosy about the documents I rely on when I write my books. Thank you. Ça vaut rien. Alors, s'appuyer là-dessus pour dire que Hitler était fondamentalement opposé au christianisme, non. Franchement, c'est pas sérieux. Monsieur Pierre Hillard a eu l'information, parce qu'on a quand même, on a dû lui dire plusieurs fois. Alors, c'est pas grave de se tromper, d'accord? Pierre Hillard, c'est pas grave de se tromper. Mais, Pierre, je pense que tu as eu l'information plusieurs fois, c'est même certain. Par contre, c'est grave de savoir qu'une information est fausse et de la répéter. Surtout si jamais ça se reproduit à plusieurs reprises pour pouvoir vendre plus de bouquins aux éditions Chiré, machin, ce que vous voulez. Quoi. Pour faire du business. Ça a servi de pièce à conviction à Nuremberg, ce truc-là. C'est pour dire la solidité du machin. Les tribunaux de Moscou, enfin. Peut-on encore prendre réellement au sérieux les critiques qui sont émises envers le national-socialisme? De nos jours, honnêtement, j'ai de plus en plus de doutes sur la très vaste majorité des choses qui sont dites dessus. Je peux le dire, d'ailleurs, excuse-moi de couper. Notamment, on parle du Gauleiter qu'il y a eu en Pologne. Vous parlez avec des Polonais, ils montrent plus les dents quand ils voient des communistes que quand ils voient des national-socialistes. Oui, on en a parlé hier de ça, c'est qu'ils ont, oui. ils ont pu comparer, quoi. Ils ont pu comparer entre les quelques mois qui étaient pires. Les 50 ans du RSS, ils ont pu finir sur l'encyclique. Sur Hitler, son premier discours radiodiffusé, le 1er février 1933, sa phrase, c'est « Le gouvernement national prendra fermement sous sa protection le christianisme, base de toute notre morale. » En 1936, il y a un congrès à Munich, et donc là, le parti néo-païen est déchaîné quand même depuis depuis de nombreuses années, et en particulier Rosenberg qui sort un livre à ce moment-là, voilà, contre les catholiques et les chrétiens en général, même si apparemment son projet à Rosenberg c'était de créer une nouvelle dénomination qui réunissait tout. Bref, il écrit son truc qui s'appelle Le mythe du XXe siècle, et Hitler lui répond publiquement au congrès. Il dit: le livre de Monsieur Rosenberg, Le mythe du XXe siècle, n'est pas une publication officielle du parti. Au surplus, il parle à tout le monde, au surplus, je vous affirme que l'Église catholique possède une force vitale qui se prolongera bien au-delà de notre vie à nous tous réunis ici. Pour un mangeur de curés, d'ailleurs, ben, c'est ce qui lui avait valu de la part de Rosenberg. Rosenberg avait appelé Hitler le servant de la curaille, quoi. Voilà, donc Hitler a été éduqué dans le catholicisme. Il était émerveillé des cérémonies de l'Église. Il s'y rendait très souvent et il n'a jamais abjuré la religion catholique, jusqu'à la preuve du contraire, soit qu'on nous démontre le contraire. Et il payait même son denier du culte jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Donc voilà, je trouve que c'est un peu léger, quoi, pour les accusations qu'on lui fait. Alors, dans notre argumentation, je pense qu'il y a un point qui peut être important, comme on parlait notamment dès le début avec Dédé qui disait que certains excès sont condamnés et lesquels, et voilà, on a débattu là-dessus. Par exemple, pour faire un parallèle, certaines thèses d'Aristote sont condamnées, si bien que c'est mieux de le lire par saint Thomas d'Aquin quand on est catholique et qu'on veut se préserver de certaines erreurs, disons. Et pareil, si on fait un parallèle entre stoïcisme et catholicisme, pareil, opposition frontale sur certains points, et dans d'autres, un catholique pourrait limite adopter certaines postures stoïciennes, par exemple, puisque dans les points bons et les points mauvais, donc point bon, par exemple, ce qui peut être permis de faire, il y a une philosophie de vie qui est donc pas mal centrée sur la mort et la vie d'après. On donne une importance à mener une vie raisonnable. Il y a une forme d'acceptation et de résignation face au destin, sur ce qui ne dépend pas de nous, d'ailleurs, ce qui est un point important. Aussi, il faut être garant d'une certaine autonomie émotionnelle, donc toujours dans le souci de rester raisonné, de moins être guidé par ses émotions, un peu comme peut l'être une femme. Et également, voilà, cette sérénité de ce qui échappe à notre contrôle, de ce qui échappe aux événements, comme dans beaucoup de sources de philosophie, ça fait l'éloge des vertus morales et naturelles, donc sur tout ça, il n'y a pas de souci, on pourrait presque s'en inspirer. Ça veut dire que le stoïcisme est en quelque sorte bon. Je ne sais pas si c'est à 70%, mais je donne un chiffre au hasard, vous voyez. Par contre, il est aussi mauvais, il y a des choses qu'il faut absolument rejeter, puisque c'est un naturalisme qui, évidemment, n'a pas besoin de sacrements. Là, des vérités chrétiennes sont complètement absentes de ce logiciel philosophique. La vertu, c'est le seul salut, d'ailleurs. On vante même au niveau des émotions, ils vantent parfois un détachement complet, ce qui là n'est pas possible quand même, pas à ce point-là. On n'est ni des robots, ni des animaux, disons. Et le catholique, voilà, il réprime les émotions trop vives, mauvaises, mais pas complètement l'émotion, au contraire. Elle est là et c'est glorieux de vaincre l'émotion justement parce qu'elle nous pèse, par exemple. Et aussi rejet du panthéisme, bon, après c'est tout ce qui va avec le polythéisme et tout ça, et de dire que Dieu est dans la nature, comme dans le shintoïsme d'ailleurs, il y a ce problème-là, hein, voilà, tout ce qui est dans la nature, le Dieu est présent limite physiquement dedans, quoi. Et bon, l'absence de rédemption qui est évidemment centrale dans le sacrifice du Christ et toutes ces choses-là. Donc même pour un point comme le stoïcisme, vous avez un gogo de tradi qui vous dit « Ah, le stoïcisme est condamné ?» Ah oui, mais en quel point? Et là, il doit énumérer, le gars, il doit argumenter. Parce que t'as affirmé, t'as fait le beau, t'as fait le malin, maintenant, défends cette affirmation avec des raisonnements philosophiques, des documents à l'appui, ou des choses comme ça. On ne peut pas balancer des phrases débiles comme ça et ne pas vraiment traiter le sujet au fond. Cette attitude, c'est vraiment très franco-française. J'ai vraiment l'impression que quand on dit France, fille aînée de l'Église, les gens pensent vraiment que la France a une mission et qu'on est le nouveau peuple élu. Vraiment. C'est ce qu'ils pensent. Hein. C'est ce qu'ils pensent. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les Allemands, d'ailleurs. C'est quand même dommage, parce qu'on est quand même des Germains à la base aussi. Ouais, mais on est devenus des Juifs. Bah oui, bah d'ailleurs, quand je vois revenir à ce que tu disais, Zinko, sur la culture de mort, ce suicide, je dirais plutôt que c'est plutôt un suicide assisté, puisqu'on n'oublie pas quand même le rôle néfaste des Juifs, notamment sur le... T'inquiète pas, on n'oublie pas. Hein. On n'oubliera pas, ni pardon, ni oubli, c'est ça? Dans le rôle du Covid avec le vaccin, qui est le PDG de Pfizer. On n'oubliera pas Fabius, la constitutionnalisation du, du pass sanitaire. Qui a mis en place le, comment c'était quoi, le divorce, la pilule contraceptive, la fin du la fin de la peine de mort, etc. À chaque fois, qui c'est qu'on trouve? C'est la liste de Schindler. Hein. Mais il faut un peu plus enfoncer le clou sur les tradis antifascistes, parce que chez eux, il y a aussi cette volonté de mort, d'une façon plus détournée, mais le surnaturalisme, c'est aussi une forme de haine de la nature, malheureusement. On ne se voit pas doté de ce qu'on voit chez le voisin, et du coup, ben, on nie la nature, on s'identifie à sa conscience, c'est pratique. Le problème, c'est que nous sommes... Il faut se remettre en question, en fait, après 250 années de défaite en défaite. Je parle aux tradis légitimistes français, continuent à se gargariser de leurs auteurs et de leurs pensées. Ça n'a produit absolument rien. Vous n'avez obtenu absolument aucun résultat. Votre pays a été envahi par la franc-maçonnerie, par les juifs. Vous avez été dépossédé d'absolument tout. On vous assassine, on viole vos filles sur votre territoire. Par contre, en Allemagne, en 10 ans, ils sont passés de 80 000 francs-maçons à zéro. On l'attendait depuis des années. Enfin, c'est arrivé. Les nazis sont de retour. Ici, à Mufflin, on se réjouit qu'un régime qui fait la part belle à l'antisémitisme et à l'anticommunisme puisse s'exprimer à nouveau. Les homosexuels, les francs-maçons en prison, c'est certainement le premier souhait que caresse chaque Grolandais. Un souhait bien légitime. Attendez Francis, je crois qu'il y a méprise. Hein. Comment ça? Vous êtes dans un décor de cinéma, c'est fictif, les nazis ne sont pas de retour. Ah. Bon. Francis Kunz pour CNL International. Ils ont eu des résultats que vous n'avez jamais eu contre la subversion. Donc, ils ont peut-être des choses à vous apprendre. Et c'est peut-être ça qui ne vous plaît pas, au final. Parce que vous agissez comme si vous n'avez jamais rien fait de mal, en fait. Comme si vous étiez parfait depuis avant la Révolution française. Comme si la Révolution française était venue comme ça, comme par magie, alors que tout était parfait, que vous aviez une dynastie angélique, héritière de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois en plus, malgré 2-3 siècles d'histoire qui se sont passés depuis, on va réussir à revenir à ça comme si de rien n'était. Et... enfin, ils sont sans aucune douleur, tout va bien se passer. Quelle preuve d'aveuglement et d'orgueil qu'une chose pareille? C'est de l'orgueil. Je ne veux pas avouer que je ne suis pas. C'est comme les juifs, quoi. C'est pareil. Je ne veux pas croire que je ne suis pas cet élu, cette fille aînée, parfaite, immaculée. Non, tu ne l'es pas. Si tu ne te remets pas en question, tu disparaîtras dans 30 ans. Voilà. Donc, il ne te reste pas beaucoup de temps pour ouvrir les yeux. Si tu ouvres les yeux, peut-être que Dieu t'aidera. Mais si tu persévères dans ton orgueil et ton antifascisme, eh ben, tu te feras manger par les Je suis obligé de te répondre à un argument extrêmement fort. C'est que si tu imprimes une carte de la France et que tu relis Lourdes, la rue du Bac, en faisant un angle de 45 degrés, en mettant la feuille à l'envers et en te pinçant le nez, ça forme le M de Marie. Pour répondre aussi à quelqu'un qu'on connaît bien dans nos milieux, monsieur Delesquin, qui dit « Ah non, le national-socialisme, le fascisme est de gauche, c'est pas bien ». Mais il est extraordinaire qu'une partie des gens d'extrême droite soient fascinés par Hitler, qui était un ennemi de la France, et qui était un révolutionnaire, un homme de gauche, profondément de gauche, pas du tout traditionnel. Il se réclamait des Ariens, des Arias, mais il disait... qui n'existait pas encore, mais qu'on les fabriquerait. Donc il n'y a pas lieu de se réclamer de Hitler quand on est à droite, puisque Hitler était un homme de gauche. Et révolutionnaire. Profondément révolutionnaire. C'est faux. Voilà. Non, mais ça ne m'aime plus. Non, mais ça, même, peu importe que ce soit de gauche et de droite, ça n'a plus aucun intérêt ce débat-là. C'est vraiment une division complètement stupide en général. Ça nous fait perdre du temps. Ouais, bah écoutez... Vous savez, ces tradis surnaturalistes qui sont pour la France fainéants d'église contre tout ce qui est un tout petit peu allemand, ils ont un point commun avec ce monsieur Delesquin qui est contre le nazisme. C'est souvent le pognon, ça faut le dire, c'est la bourgeoisie ou au moins l'esprit bourgeois. Et l'esprit bourgeois, ça paralyse. Il suffit de voir comment se comporte De Villiers, quoi. De Villiers, c'est un mec qui va pas faire la contre-révolution, hein, faut pas compter sur lui. Hein. C'est des gens, ils veulent l'apparence de rebelle, d'être un rebelle, mais ils ne voient surtout pas les risques qui vont avec. Donc ça, c'est juste pas possible. Puis le fascisme suppose un minimum d'égalité, quoi. Il faut qu'il y ait une forme d'égalité, donc une bourgeoisie complètement égoïste transnational détaché du sol et qui ne fait pas vivre en fait la communauté autour d'eux avec leur entreprise en faisant travailler les autres par exemple, voilà, il sacrifie le reste à son propre égoïsme, donc c'est pas possible de construire quelque chose avec ce type de gens. Il faudra qu'on la neutralise, cette bourgeoisie. Ils auraient dû être régénérés en fait par le, et c'est ça dans l'organisme fasciste en fait, personne, rien n'est fixe en fait. Si tu sers pas le bien commun dans ce que tu dois faire, ben tu dégages, il y a quelqu'un qui vient à ta place. Et qui c'est qui prend cette décision? C'est la tête. Et c'est l'équipe, ça fonctionne aussi comme ça dans un organisme humain. S'il y a une cellule qui fait plus son travail, le tout, l'organisme se régénère. Et la société d'Ancien Régime était complètement sclérosée à ce niveau-là. En fait, vous aviez des classes qui étaient superposées les unes par-dessus les autres, dont les nobles, qui ne remplissaient plus du tout leur rôle par rapport au bien commun. Il n'y a qu'à voir les récits de la façon dont vivait la noblesse au XVIIIe siècle. Et ils auraient dû avoir une régénération de la noblesse parmi les meilleurs éléments du peuple et de la bourgeoisie qui auraient dû être capables de prendre leur place, sauf que tout était bloqué, tout le monde se réclamait. Au final, le roi, c'était que le numéro un des nobles, mais en soi, il n'était pas, voilà, il n'avait rien de plus que il était inamovible comme les autres. Et c'est de ça dont la France monarchique a péri. Sans compter les mariages du coup entre cousins, etc., qui a créé des véritables débiles, quoi. Alors justement, j'allais parler de Christine Boutin en parlant de mariage consanguin. Bonne transition, du coup. Bonne transition. Puisque j'allais, non, c'est le cas en plus. Hein. Je voulais prendre une question d'un auditeur qui nous a posé une question sur Odyssée, Max Planck. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il nous écrit, qui nous demande, dans les années 30, il y avait un parti catholique en Italie, le Parti Populaire Italien, et un autre en Allemagne, le Zentrum. Puisque ce sont des partis politiques catholiques, pourquoi ne faites-vous pas l'éloge de ces derniers plutôt que du parti fasciste ou du parti national-socialiste? Merci d'avance. Et je voulais apporter un petit élément de réponse avant de vous laisser la parole, messieurs. Alors déjà, il suffit pas de mettre le mot catholique ou chrétien dans un parti pour que ce soit, voilà, ça devienne formidable. Christine Boutin, parlons-en, hein, son parti chrétien-démocrate, je crois que c'est ça le nom. Mais ils sont quatre, hein, peu importe. Hein. Bon, écoutez, moi, Christine Boutin, ça vaut rien, d'accord? Elle n'aura jamais ma voix, et je pense qu'elle n'aura pas la voix de beaucoup de monde. C'est du pipi de chat. C'est du Macron avec une petite sauce catho et une grande sauce de bourgeoisie. Ça vaut rien du tout. Et ces partis politiques qui sont présentés à l'époque, ils étaient un peu dans la même ligne que... C'est sûr que si on les regarde par rapport à notre actualité, par rapport à 2023, on se dira, oh là, c'était uber nazi et tout. En fait, à l'époque, c'était un peu des centristes. Et j'en veux pour preuve, c'est que dans les faits, dans les élections, ils ont fait des alliances, ces gens-là, avec tout un tas de partis de la droite molle, des centristes, même des gens de gauche, notamment en Allemagne, avec un parti socialiste. Surtout qu'à l'époque, le mot socialiste, il a un sens, hein, ça correspond pas à François Hollande. Hein. Socialiste, à l'époque, c'est rouge, hein, c'est vraiment très très rouge. Donc voilà, puis ils ont mis un petit mot comme ça, catholique ou chrétien, ça dépend. Et voilà, donc ça suffit pas, je suis désolé. Si, parler même de la philosophie qui se cache derrière, qui est mauvaise, l'Église apprécie pas trop, vous savez, quand il y a des prêtres qui ont des vraies missions de prêtres et qui font vraiment de la politique, on va dire, sur la moitié de leur temps. Alors ça, ils aiment pas trop. Et c'est le cas de ces partis. Notamment le parti italien, qui était dirigé par l'abbé Storzo. Bah écoutez, c'est très simple, l'abbé Storzo, donc il était moitié prêtre, moitié politicien, donc l'Église n'aime pas beaucoup ce genre de truc. Hein. Puis en plus, mettre le nom parti chrétien dans un parti politique, imaginons que politiquement ça se passe mal pour le pays, ce qui peut arriver, pour des raisons externes, les gens vont peut-être se dire « Ah, c'est de la faute du catholicisme », ce qui n'est pas du tout le cas, donc c'est un peu dangereux. Et l'Église n'aime tellement pas ce genre de truc que c'est le pape Pie XI qui interdit à l'abbé Storzo toute activité politique. Il ne pouvait plus parce que justement, ça portait une confusion. Et il a ajouté, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de parti catholique, les principes catholiques et les droits politiques trouvent dans l'Église elle-même leur appui et leur interprétation. Qui devrait d'ailleurs faire réfléchir pas mal de prêtres qui essayent de faire de la politique. De travers. Ou à pire, hein, les prêtres qui te disent pendant la messe pour qui tu dois voter. Dans certains pays de l'Europe centrale de l'Est, ça se passe comme ça. Je ne plaisante pas. C'est quand même fou d'ailleurs, enfin, ça me fait penser à ça. Tous ces gens qui vont dire, oui, bah, écoutez, les nazis ont été condamnés doctrinalement, etc., parce que je sais pas trop quoi. La Révolution française, enfin la République française, par contre, là il y a pas de souci quoi. La République française, elle détruit toute les lois du décalogue. Je sais pas s'il y en a une seule qui reste. Mais là, par contre, ça va. Je veux dire, avortement, homosexualité, machin. Là, il n'y a pas de souci, quoi. Ça ne les dérange pas, ces gens, de vivre dans la République française, pour de payer des impôts, de leur donner de l'argent, pour certains même être fonctionnaires, donc de bosser pour la République française. Là, ça ne les dérange pas. Ah, par contre, les nazis, là, c'est dérangeant. Il y a un truc qu'on peut bien aimer des fois chez les nationaux, et ce n'est pas bien, c'est la mafia. Ah, mais après, ce qui nous attire dans la mafia, en général, ce sont quand même des choses de force, de masculinité, de tradition, qu'ils arrivent à conserver, le lien du sang, le lien familial et tout ça. Des choses que les gauchistes même admirent dans les séries, mais ils n'osent pas se l'avouer et ils n'ont pas les couilles, évidemment, de faire pareil. Mais par contre, le régime fasciste s'en est pris évidemment à la mafia parce qu'il s'attaque avec injustice aux pauvres citoyens, voire il détourne des mannes financières qui devraient revenir à l'État et l'État le rendre au peuple. Donc il y a eu des hostilités comme ça, si bien que même dans l'Italie d'après-guerre, quand il y avait des hommes d'État qui travaillaient contre les mafias, comme ça existait quand même dans des succursales, ils étaient traités de fascistes en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est un attrait, j'aimerais le placer parce qu'à l'ère des séries et tout ça, on a tendance à adorer, alors qu'en vrai ça fait juste l'éloge de la guerre, du meurtre et de la vengeance, donc bon, c'est pas excellent. Quand je parlais de vitalisme, je ne parlais pas de ça. Hein. Même d'ailleurs Mussolini le revendiquait dans ce genre-là, il disait « La force du fascisme réside en ceci qu'il extirpe de tous les programmes la partie vitale. » Donc d'où le terme de vitalisme. On peut vraiment le récupérer à notre compte, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais bien répondre à cette question de Max Planck, parce qu'elle me semble toucher au cœur du sujet, ou en tout cas des zones floues qui existent dans l'esprit des gens entre l'Église et le politique et la nature et la surnature. Et il nous demande « Pourquoi vous n'étiez pas en faveur du parti catholique ?» Moi, je pose la question, catholique, ce n'est pas un parti. Catholique, ce n'est pas, un parti politique. Ce n'est pas à l'Église et aux prêtres de se substituer aux initiatives des laïcs dans l'ordre politique et l'ordre naturel. Un parti, il prétend faire la politique, d'accord ? Il prétend être à l'origine des actions qui vont être menées. Ça ne doit pas venir de l'Église. C'est neutre politiquement, l'Église. Enfin, elle ne peut pas se marier avec tous les régimes, mais je veux dire, on ne parle pas du même ordre de choses. La politique, on parle de la nature. C'est important de voir que derrière ces partis aussi, souvent, ce qu'on trouvait concrètement, c'était la bourgeoisie. Et ça, on l'a vu en Belgique, au moment où Léon de Grelle a failli être élu, l'évêque qui a interdit aux catholiques de voter pour lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faisait que attaquer les membres des partis catholiques qui n'étaient qu'en fait que des industriels, des bourgeois qui souhaitaient profiter du statu quo, profiter de cette démocratie qui détruisait tout mais qui remplissait leur poche, ce qui était inacceptable. En Allemagne et en Italie, ce qu'on a observé, tu disais tout à l'heure que l'Église n'aimait pas voir les prêtres faire de la politique, je suis pas à fond d'accord, pas directement en tout cas, parce que l'Église a longtemps eu des biens temporels jusqu'au XIXe siècle, et ils en ont été frustrés, ce qui n'a pas forcément été bien vécu. Et il y avait une certaine, malgré tout, frustration et une volonté de puissance ecclésiastique à ce niveau-là. J'ai l'impression que l'action catholique, en fait, a été à une façon détournée de faire de la théocratie et du surnaturalisme. En fait, il y a eu un premier conflit en Italie, dans l'Italie fasciste, où en fait, l'action catholique, théorisée par Pie XI, ce n'était pas simplement avoir des prêtres qui viennent et qui enseignent dans les écoles ou qui bénissent, qui célèbrent la messe dans des cercles ouvriers, ce genre de choses. C'était carrément les prêtres qui allaient fonder, qui allaient être à l'origine du cercle ouvrier pour avoir une action individuelle, familiale, sociale. Ce que j'ai observé, c'était qu'il y avait des éléments antifascistes, donc subversifs, qui allaient se réfugier en fait dans ces zones-là pour après miner l'unité nationale. En fait, c'était une tentative détournée de Pie XI de reprendre le dessus sur la société civile en se servant de l'action catholique, qui dénote cette mauvaise conception du fonctionnement de l'ordre surnaturel et de l'ordre naturel. Ce n'est pas aux prêtres de se substituer aux initiatives des laïcs dans la société civile. C'est aux laïcs à appeler les prêtres, ils ont besoin de leur supervision sur un sujet ou un autre, mais voilà, il ne faut pas se tromper sur ça. Et ce qui fait que ce qui s'est bien accordé avec cette action catholique, c'est la démocratie chrétienne. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le personnalisme, où tout est, voilà, il n'y a que le salut qui compte, et on subordonne tout au salut de la personne, et ça rentre bien dans le cadre de la démocratie chrétienne. Ou dans la démocratie chrétienne, en fait, c'est le peuple n'est pas souverain, comme dans la démocratie de 89, mais au final, dans la pratique, ça revient au même, parce que la démocratie, c'est les gens qui votent, les gens, ils sont médiocres, ils sont influencés par les moyens d'influence des possédants, donc des juifs et des puissances d'argent, donc ça revient au final à retourner à cette démocratie individualiste. Donc voilà, c'était malheureusement la politique des catholiques, c'était plutôt ça à cette époque-là, donc à choisir, je préfère largement les fascistes. Je l'avais sorti en plus dans l'émission précédente, donc je le répète, c'est vrai qu'avec le fascisme, on ne se serait pas fait avoir par Vatican II, donc ces soutanes progressistes, pré-modernistes, avant qu'ils culminent, mais modernistes quand même en fait, parce que justement, ils n'allaient pas être pieux et obéissants, contrairement à voilà, ce qu'a pu faire le général Franco ou Salazar, ou encore, pour étendre à l'Autriche, Engelbert Dollfuss, en effet. Voilà, par souci d'obéissance, ils auraient suivi, en fait, l'évolution moderniste de Vatican II, là où, quand il avait beau avoir une soutane, s'il tenait un discours débile gauchiste, le national-socialiste ou le fasciste lui aurait dit, en fait, juste, non, tu tiens un discours de débile gauchiste. Quoi. Donc là, ça ne serait pas passé. On a même besoin de ça pour retrouver, restaurer une autorité dans l'Église, puisque si l'on considère qu'il n'y a pas de pape et qu'il en faut un, il faudrait convoquer un genre de concile de Nicée, mais qui serait, pourquoi pas, convoqué par un chef d'État, avec en présence d'évêques, qui là, en effet, se questionnent sur qui pourrait être celui qui prend la main. Et donc, pourquoi on ne soutient pas ces partis? Vous avez déjà argumenté, le catholicisme ne peut se réduire à un parti, et aussi à Engelbert Dollfuss, qui peut être donc un personnage catholique, et qui, en effet, comparé à tout ce qu'on a aujourd'hui, est 300 fois mieux, mais voilà, il est de tendance contre-révolutionnaire classique, plus pieux et plus pratiquant que du côté de Philippe Pétain, hein, je pense, par exemple. Mais voilà, c'est en fait, ça ne veut pas dire que c'était parfait, surtout en termes politiques. Après, pourquoi il a été attaqué? Je crois que la question a été posée. Tout simplement, il se situait sur l'espace germanique, pan-germaniste, donc il était un peu évident que, vu que la force d'Empire, ce n'était pas l'Autriche qui l'avait, mais l'Allemagne, il allait être en première cible, si l'on veut. D'ailleurs, dans le national-socialisme, la priorité, c'est le racisme. C'est, enfin, oui, un peu la doctrine essentielle qui est au cœur, et tous les autres sont un peu des astres qui tournent autour, sont des conséquences, y compris l'antisémitisme, finalement. On combat certains pans de la communauté juive organisée politique. Pourquoi? Parce qu'ils vont contre notre doctrine de défense de la race, disons. C'est pas ça qui va nous faire soutenir juste le titre de catholique, un parti qui en fait est démocrate chrétien et donc pré-moderniste. En conclusion, par rapport à un peu ce que vous avez dit, autant les nationaux-socialistes que les fascistes, ils ont combattu les partis dits catholiques, donc pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons purement politiques. Effectivement, un catholique de gauche, en fait, c'est un ennemi, qu'il ait une soutane ou pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas soutenir ces partis dits catholiques, et que forcément, nous soutenons les partis fascistes qui, pour nous, auraient sans doute empêché la catastrophe du conciliabule Vatican II, effectivement. Et sinon, pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Rex, tu as parlé de Dollfuss, en gros le chancelier autrichien. En fait, j'ai déjà commencé à un peu aborder la question tout à l'heure. En Autriche, il a mis en place une dictature totale. Et les Autrichiens étaient très mécontents, en fait. C'est-à-dire qu'ils voyaient comment l'Allemagne avait réussi à s'élever, à commencer à se débarrasser de l'influence juive, etc. Les ouvriers qui commençaient à être bien payés, à avoir des salaires conséquents, la femme n'était pas obligée de travailler, enfin voilà, il y avait des maisons payées par l'État au bout du troisième enfant. Et du coup, le peuple autrichien commençait un peu à gronder envers ce Dollfuss qui, du coup, n'était pas national-socialiste. Alors, effectivement, il était 300 fois mieux de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais il n'était pas national-socialiste. Il y avait quand même des côtés conservateurs, donc bourgeois effectivement, qui empêchaient le développement de l'Autriche comme celui de l'Allemagne. Et en fait, ce sont les nationaux-socialistes autrichiens qui ont déclenché le début des hostilités et qui ont tenté de faire un coup d'État, hein, comme le Führer avait tenté et qui avait échoué. Et comme le Führer, ces nationaux-socialistes autrichiens en fait, ont échoué dans leur coup d'État, mais dans leur tentative, ils ont tué Dollfuss. c'était pas voulu. Voilà, ce sont des faits militaires, c'est des choses qui arrivent. La population autrichienne, même s'ils n'étaient pas pro-Dollfuss, etc., même s'ils étaient pro-allemands, hein, l'Anschluss, hein, c'est 97%, plus de 97% des Autrichiens qui sont pour, ils n'ont pas du tout approuvé le coup d'État. Ils n'ont pas approuvé donc la mort de leur chancelier, même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et en fait, ça, donc, ces conspirateurs, si je peux dire, il y en a beaucoup qui ont été condamnés à mort. Et Hitler, quand il a appris ça, il n'était pas content du tout. Et lui aussi, il les a condamnés, en fait. Pour revenir un petit peu sur Dollfuss, il n'y avait pas de volonté d'Hitler de tuer Dollfuss. C'est complètement faux. C'est vrai que moi aussi, j'ai dû entendre dans le milieu tradi. Mais c'est plutôt un dommage collatéral, un fait tragique de l'histoire. Et juste pour rebondir sur un dernier truc, Rex, tu parlais de Mussolini, de la mafia. Donc effectivement, les fascistes et Mussolini en tête ont hardiment lutté contre la mafia et ont réussi à bouter donc, les mafieux hors d'Italie, à tel point qu'en fait, donc les services secrets américains, notamment la CIA, ont financé les familles mafieuses pour lutter contre les fascistes. Donc moi, ça me fait bien marrer aussi qu'on voit les camarades nationalistes tourner autour de l'univers, en tout cas apprécier l'univers de la mafia, mais les mafieux sont antifascistes. D'ailleurs, aujourd'hui en Italie, la mafia se sert d'immigration nègre, etc., pour baisser les salaires, enfin comme les grands capitalistes, en fait, pour faire tourner leurs usines de mozzarella, de buffalo, de je sais pas quoi, à la place d'embaucher des Italiens, etc. Donc. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Vous avez anticipé sur une question qui nous a été posée par un canal Telegram qui s'appelle Clerical Fasciste, qui est intéressant d'ailleurs, je vous invite à vous y abonner, qui nous a demandé pourquoi est-ce que Hitler aurait éliminé Dollfuss, bien en parler. Une autre question qui revient souvent, c'est la même question pour Maximilien Kolb. Je peux enchaîner parce que je connais bien le sujet. Il a créé donc ses saints Maximilian Maria Kolbe, qui est un Polonais. Saint canonisé par Jean-Paul II. Oui, voilà, c'est pour ce que ça vaut exactement. Ouais, c'est son pseudo, saint. Voilà, saint, pardon, excusez-moi. Jean-Paul II, lui-même saint. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il était au Japon, en fait, lorsqu'il était au Japon pendant un moment, il a effectivement créé en plus, on lit les éléments entre eux, il a créé le monastère au Japon, à Nagasaki, qui est d'ailleurs le seul bâtiment qui est resté debout. C'est quelqu'un qui était très pieux. Il est resté debout suite à l'explosion de la bombe atomique des putains d'Américains de merde. Exactement. Quelqu'un qui était très pieux, quelqu'un qui était antisémite, ultra-nationaliste. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il a été en fait mis en prison. On a toute une histoire qui tourne autour de lui, disant qu'il a été mis en prison par les horribles nazis, parce qu'il a effectivement hébergé des réfugiés, etc. Donc ce qui est vrai. Donc il a été contre la politique, contre la décision des autorités allemandes de l'époque. Effectivement, il a pris des réfugiés, notamment des juifs. Et il a donc fini en camp de concentration. Et là, dans les camps de concentration, on nous dit qu'il a échangé de position avec un autre prisonnier qui était condamné à mort par la faim. Échanger sa position pour que le père de famille, qui était père de famille, puisse vivre et revoir sa femme et ses enfants, sachant qu'à l'époque, Maximilien Kolbe n'avait plus que, il me semble, qu'un quart de poumon qui lui restait. Il était très très malade. Hein. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette histoire a l'air d'être bidon, puisque je crois que Dédé m'avait envoyé un document qui montrait que Maximilien Kolbe était mort en fait du typhus. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu de mort par la faim, par les méchants nazis, parce que voilà. Ouais, effectivement, vu que l'administration allemande a enregistré tout en plusieurs exemplaires, on a retrouvé l'acte de décès de Maximilien Kolbe, et effectivement, il serait plutôt mort de maladie et pas selon le récit. Alors après, dans la tradition, il y a plusieurs récits concernant Maximilien Kolbe. Parfois il est mort fusillé, parfois il est mort dans le bunker de la faim, il serait mort de faim, il serait mort d'une injection létale. Ouais, voilà, donc il y a un peu plusieurs versions. Non, la réalité, c'est que ça s'est pas passé comme ça. J'ai vu concernant l'injection qu'il était tellement serein lors de sa mort que le bourreau a décidé de se bander les yeux pour pas voir son visage. Non, mais c'est bon, faut arrêter. Faut se calmer. Hein. Ouais, du coup, faire une injection les yeux fermés, ça doit pas être évident. Non, mais ça devient ridicule en fait. On peut plus vraiment rien croire de toutes les âneries que l'on entend, puisque finalement, de différentes sources, la personne est morte de au moins 20 ou 30 façons différentes. Ouais, elle est visale aussi. Alors, il y a un autre fait qui est intéressant avec Maximilien Kolbe. Il a été béatifié en tant que confesseur, je crois, il me semble, et canonisé en tant que martyr. Donc, martyr des méchants national-socialistes, bien sûr, mais en fait, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints, c'est la première fois qu'il y a un changement de statut entre une béatification et une canonisation. Ce qui prouve bien que cette canonisation est politique. Donc, Parce qu'il y a quand même, voilà, il y a vraiment un souci d'impartialité sur le sujet. Ah, puis imaginons, il est pas mort du typhus. Imaginons, les nazis auraient vraiment sciemment cherché à l'éliminer. D'accord, ok, pas de souci. Pourquoi il est fini dans un camp, Maximilien Kolb? Pourquoi? Pour un fait politique, hein. Pour un fait politique, il a caché les juifs dans son monastère, il connaissait très bien les risques. Il s'était fait rappeler à l'ordre à plusieurs reprises par le passé pour des faits politiques. À un moment donné, les nazis, ils en ont eu marre. Ils font, bon, voilà, bah, écoutez, monsieur Kolb, hein, c'est sympa, vous avez une soutane. Mais derrière cette soutane, il y a aussi un homme qui vit, qui a des activités politiques, qui sont contre notre régime. Voilà, un mec qui est en opposition contre le régime. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? C'est normal, ils sont obligés de faire l'exemple. C'est tout à fait normal. Ils ont prévenu, et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de fois, la sanction tombe. Mais ce qui s'est passé à Dachau aussi, on voit qu'ils n'enfermaient pas du tout les gens-là parce qu'ils étaient ecclésiastiques ou parce qu'ils étaient membres du clergé, contrairement à ce qui s'est passé en URSS ou en 1789, par exemple. Hein, je vous invite, messieurs, à comparer. Voilà, les gens qui avaient des activités politiques, donc qui menaçaient le bien commun de l'Allemagne. Et voilà, c'est pas parce que tu avais une soutane que tu avais le droit de le faire sans avoir de conséquences. Moi, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, Elzinko, tu peux nous rappeler les chiffres de combien de prêtres ont été massacrés en URSS sur les combien? Il y en avait 44 000 ou 48 000? Oui, il y en avait 44 000 et il n'y en avait plus que 2400 en 36 ou quelque chose comme ça. Après combien d'années de révolution, du coup, 18? Je ne saurais pas dire exactement là, comme ça. Par contre, des évêques, il y en avait environ 200. En fait, on a des comptes très, très précis de l'Église orthodoxe avant le déclenchement de la Révolution d'octobre. Donc voilà, on était sur 175 évêques, quelque chose comme ça. Au moment où les Allemands pénètrent en Russie, il n'y a plus que 4. Donc, voilà. Ah. Ouais. On est obligé de parler de ça, moi ça m'ennuie, mais on est obligé d'en parler, la sainteté de Maximilien Kolb. Bon, alors Dédé a mis les pieds dans le plat avec un pied, on va dire, je vais mettre le second. Donc la sainteté de Maximilien Kolb qui a été donc canonisée par Jean-Paul II en 82, hein, le même Jean-Paul II canonisé par François Chipcan. Même dans la fraternité Saint-Pédis, qui sont pas quand même les gens les plus, on va dire, les plus à droite dans la tradition, on va dire, c'est le courant qui a le plus grand nombre, majoritaire, c'est pas des sédévacantistes de l'Apocalypse. Et je le dis, d'ailleurs, je le répète, hein, en plus je le dis de toute honnêteté, parce que moi-même, je ne suis pas sédévacantiste. Donc je ne suis pas en train de prendre parti. Tout le monde, même dans la fraternité Saint-Pédis, a compris que ces histoires de canonisation depuis le Vatican II sont bizarres. Elles sont bizarres, pour ne pas dire louches. Hein. Et celles de Jean-Paul II, Jean XXIII, Paul VI. Et là, on a bien compris que si on a mis trois papes canonisés, c'était spécifiquement pour insister sur les fameux bienfaits de Vatican II dont on s'aperçoit tous les jours quand on visite des églises totalement vides. Ça pose un véritable problème, ces canonisations, et de plus en plus poignant. Ben je dis que dans tout magistère infaillible, on connaît les règles du magistère infaillible, alors il y a la cause finale, la cause etc., je passe. On peut être, dans les canonisations, on est dans le domaine d'infaillibilité de l'Église, qui est la morale, un des deux, je l'ai dit tout à l'heure, mais la forme, là, ce qui fait qu'une voix de l'Église s'élève de façon infaillible, étant la voix de l'Église de façon infaillible. Ben ça, c'est la forme, c'est l'intention d'engager l'autorité pontificale ou conciliaire. Et là, je pense qu'elle fait défaut. On n'est plus dans le même registre. On voit bien que le formel de ces canonisations n'est pas de nous donner un modèle de morale à suivre, mais c'est de soutenir une thèse. C'est autre chose. Et je pense qu'il manque dans ces canonisations récentes le formel de ce qui fait un magistère infaillible, c'est la volonté d'obliger les chrétiens à nous dire que tout ce qu'a fait cet individu est irréprochable, au moins sur la dernière période de sa vie. Voilà. Et ça, cette volonté n'existe plus. Pourquoi canonise-t-on de Saint-Pie V hein, jusqu'à nos jours, il y a eu deux papes canonisés en près de 500 ans. Bon, parce qu'un pape canonisé, c'est géant. C'est tellement difficile d'être pape. Et puis tout d'un coup, ben, on en aurait cinq qui est de suite, là. Ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Ça fait quand même... c'est too much, hein, comme disent les Anglais. Bon, c'est too much. Ça veut dire qu'on veut canoniser, pas pour nous dire qu'ils ont exercé l'héroïcité des vertus et y engager la faillibilité de l'Église, pour nous dire, voyez, le Concile, c'était super, puisque c'est ces gens-là qui ont fait le Concile. Donc, comme ils sont saints, ben, le Concile est saint. Alors ça marche plus. C'est plus infaillible du tout. Voilà. Donc, j'aurais beaucoup de mal à prier. Attention, ne vous y trompez pas. Je souhaite que tous ces papes soient au ciel, dans la plus grande gloire possible. Hein. Moi, je suis catholique, d'accord avec Timothée, saint Paul à Timothée. Hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, mais quand on a mis un chambardement dans l'Église comme Paul VI avec sa nouvelle messe, dont on n'est pas encore senti maintenant, et qu'il y a 70 000 prêtres qu'il a réduit à état laïque dans cette période où il a été pape, sa sainteté, et je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations plus personnelles. Voilà, le fond de la question, je crois, c'est que le magistère actuel qui canonise n'a pas l'intention d'être infaillible. Et s'il n'a pas l'intention d'être infaillible, il ne l'est pas. Et s'il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Bon, voilà. Encore une fois, tant mieux si tous ces papes du Concile et du post-Concile sont au ciel, je m'en réjouis profondément, c'est une évidence. En toute honnêteté, depuis Concile Vatican II, je considère que tout ce qui est canonisation, c'est un gros point d'interrogation au minimum, et je pense que, de près ce que j'ai entendu dans la Fraternité Sapidis, que j'ai côtoyé quand même pendant pas mal de temps, c'est ce qui se dit aussi. Je vois pas pourquoi là, du coup, par contre, là, Saint Maximilien Kolb, alors là, par contre, ça devient tout à fait infaillible. Attendez, avec les éléments qu'on vient d'avancer maintenant, pareil, point d'interrogation. Ah bah si jamais t'es tué par les nazis, c'est que tu dois être un saint, hein, apparemment. Ah, ok. Et oui, c'est même les juifs sont devenus des saints, c'est pour dire. Hein. C'est ça, hein, les nationaux-socialistes, c'est le mal absolu, c'est le Satan, apparemment. Mais du coup, le truc que les gens n'ont pas compris, c'est que les nationaux-socialistes, c'est nous, en fait. Bobby, tu relèves aussi un problème, la Fraternité Saint-Pédis. C'est-à-dire qu'elle va piocher un peu ce qu'elle souhaite dans l'ancien droit canon, dans le nouveau, dans les anciens saints, dans les nouveaux. Donc ça va être Saint Maximin Kolb, mais ça ne va pas être Sainte Mère Teresa, par exemple. Non, ça va juste être Mère Teresa. Donc c'est non, le problème. Non, je ne visais pas spécialement la frate. Je disais justement à travers la frate. En tout cas, je... Ouais, pareil. Du coup, gens à travers la frate, tu vois. Je te réponds non, pareil. Je veux dire, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, de tous ceux qui fréquentaient la frate et ceux que j'ai côtoyés, moi, à la frate, j'ai toujours entendu, même son cloche là-dessus, c'est que, voilà, depuis Vatican II, tout le monde est d'accord que, gros point d'interrogation sur les canonisations. C'est toujours... Parce que j'ai jamais entendu les gens, quand ils parlaient de Jean-Paul II, j'ai jamais entendu une seule fois quelqu'un dire « Saint Jean-Paul II ». Alors, du coup, je me rétracte tout de suite. C'est vrai que je l'ai entendu une fois de la part d'un prêtre qui le disait spécialement pour se moquer de cette histoire de canonisation de Jean-Paul II. Il a dit, la sainteté de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, hein, on repassera. Hein. Voilà. C'est la seule fois que j'ai entendu Saint Jean-Paul II. Ouais, mais normalement, tu peux pas remettre en question, si c'est vraiment l'Église, si c'est vraiment le pape, t'as pas le droit de remettre en question une canonisation. Hein. C'est pour ça qu'on trouve dans l'Apocalypse où la première bête qui avait été blessée et qui avait été guéri de sa blessure mortelle, donc qui serait Voschtila, alias Jean-Paul II, elle va être la seconde bête, donc dans ce système-là, en fait, des bêtes, c'est les antipapes. Le pape d'après, Ratzinger, va faire adorer, c'est Saint-Jean qui parle, il va faire adorer l'image de la première bête et faire en sorte que ceux qui refusent de l'adorer soient mis à mort. Parce qu'en fait, si tu refuses d'honorer quelqu'un comme un saint, est-ce que ce ne serait pas une rébellion contre l'Église, est-ce que ce serait pas un péché mortel, tu vois. Tu peux pas, c'est pas la carte, quoi, normalement. Toujours le même canal nous pose une dernière question. Alors, qu'en est-il des rituels SS occultistes qui auraient existé sous le national-socialisme? Je veux bien prendre la main, c'est-à-dire que souvent ça va émaner de tradis très roïco. Les rites maçonniques étaient très répandus en fin de monarchie. Hein. Louis XV a essayé de les combattre un peu, et l'Église le faisait à ce moment-là. Mais Louis XVI, de son temps, c'était archi présent. Elle était déjà bien implantée avant même que la Révolution n'ait lieu, et elle l'est aussi en bonne partie derrière ça, hormis des francs-maçons, on va dire, défenseurs du roi, mais dans le sens des nouvelles idées aussi. puisqu'il y avait toutes ces tendances-là. Et alors, rite occultiste sous le Troisième Reich ou des trucs comme ça, bah, je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais ça doit être plus anecdotique, ou si ça a eu lieu, c'est en orbite autour du parti, mais pas en ligne directe, puisque comme l'ont dit les autres intervenants, la franc-maçonnerie a été interdite et tout genre de type de secte s'y assimilant. Donc, elle était combattue par le régime et les résultats étaient très probants. Donc voilà, c'est pas vraiment. Je dis pas que ça n'a pas existé, mais c'est pas le cœur essentiel, hein, ça c'est certain. Attends, comment ça, je dis pas que ça n'a pas existé Attention. Les rites occultistes. Ah pardon, attends, ça va, ça c'est bon. De toute façon, faut pas se demander comment techniquement ça a pu exister, ça a existé puisque ça a eu lieu. Puis après, bah, on disait, voilà, après guerre, on croit que Hitler est un giga païen, bah, c'est normal, c'était plus facile à faire détester. En ce sens-là, parce que quand même, la société, le lendemain de 1945, les années 50, ça restait encore assez chrétien, donc il ne fallait pas le vendre dans ce sens-là. Je m'en profite pour juste rajouter un petit détail. On accuse souvent Hitler de s'être fait financer par les Juifs, hein, notamment, je crois, Pierre Hillard, il raconte des choses comme ça. Donc c'est intéressant comme concept, hein, les Juifs qui financent quelqu'un qui, après, va les faire arrêter dès qu'il est élu, hein, comme il a fait arrêter le baron de Rothschild et qu'il a dégagé tous les Juifs à la tête de la Reich Bank. Donc ben, ça aussi, c'est de la connerie, en fait. On pourra citer, mettre en lien des ouvrages dans l'émission qui ont démontré que... Enfin, tout se base sur un ouvrage d'un mec qui en gros, raconte n'importe quoi, un petit peu comme dans Hitler m'a dit. Attends, un ouvrage d'un mec qui raconte n'importe quoi, tu parles toujours de Pierre Hillard ? Non, je ne parle pas de Pierre Hillard, là. C'est une blague. Oui, bah, après... Oui. L'accusation de Hitler qui a été financée par des Juifs, elle est absurde, étant donné ce qui s'est passé après pour les Juifs, qui dominaient absolument tout en Allemagne avant l'arrivée d'Hitler, et elle est fausse, il n'y a aucun élément, y compris aussi sur les industriels et les embourgeoisés qui étaient au service des Juifs. Et la deuxième accusation fausse, c'est les prêts, parce que voilà, il y avait quand même 6 millions de chômeurs qui ont été éradiqués par la politique d'Hitler, et en fait, il n'a pas du tout contracté des prêts, en fait, il a repris le contrôle de sa monnaie. Il a supprimé l'usure. Ils ont utilisé des obligations d'État, en fait, où tout le monde, les industriels, les banques étaient obligés d'acheter ces obligations d'État. Ils ont financé le rétablissement du Reich avec ça. Et ils ont surtout repris le contrôle de leur monnaie, et c'est ce que créait leur propre monnaie. Ils payaient les ouvriers avec des lettres de change, et c'est ce que la finance internationale ne leur a pas pardonné, parce qu'en fait, ils ont démontré au monde entier qu'on n'avait pas besoin de ces usuriers, de ces juifs pour vivre tranquillement, et voilà, ça leur a mérité une déclaration de guerre de la part de la juiverie en 33, voilà, c'est tout. Normal, puisque aussi, ils mettaient les échanges, ils n'étaient plus faits de façon pécuniaire, mais faits par des échanges en nature. D'État en état, directement sans passer, du troc, voilà, sans passer par la banque. Non, mais ils commençaient à faire du troc avec les pays étrangers parce qu'ils étaient bannis, un petit peu comme la Russie, des sanctions, des conneries comme ça. Et ils faisaient du commerce comme ça en faisant du troc, et ça fonctionnait. Donc, les Juifs, ils flippaient. Les fourchus, hein, ils ont toujours su faire de l'artige. De ce côté-là, ça a toujours été des calors. Mais après, dans les sources de financement, bon, je veux bien croire qu'il y avait tellement de sources de financement que certaines peuvent paraître douteuses. Mais est-ce que ça explique un giga complot, enfin, parce que tu as une Allemagne exsangue, isolée du monde entier, enfin, du monde entier, de nombre de régimes qui les détestent. Je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu veux sortir ton peuple de la boue, qui c'est qui balance un billet, tu t'en fiches, hein, tu le prends et tu vas de l'avant. Ouais, mais pour le coup, c'est faux, en fait. Donc, voilà. C'est sûr. Oui, d'avoir des Juifs qui balancent un billet, on ne me l'a fait pas. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et pour faire que ce serait apparemment que Hitler a été payé pour faire persécuter les Juifs et les expulser vers Israël en vue qu'ils reprennent la terre. Non, mais j'ai entendu toutes sortes de choses complètement dingues. Ils ont tout prévu. Ils sont dieux, en fait. Bah oui, apparemment. Bah écoute, les Juifs, apparemment, sont une particule divine. Ah oui, bah, comme les païens, ils ont créé le catholicisme et ils ont prévu qu'ils allaient créer le catholicisme dans l'Ancien Testament. C'est invérifiable, ouais, tout ça. C'est délirant. Non, mais après, il ne faut pas s'étonner pourquoi tant de personnes dans nos milieux sont complètement des cas d'asile. Ils mériteraient d'aller en asile psychiatrique. On peut en nommer quelques-uns. Ah, si tu veux aller. En camp de travail. Non, il y en a pas mal à mettre en camp de travail, hein, c'est très clair. Non, là, c'est plutôt vraiment l'asile, c'est pas le camp de travail. Là. Docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément l'asile, là, c'est vraiment de la mauvaise foi, et c'est une volonté de salir quelqu'un au mépris de la vérité, en fait. Et ça, oui. ça mérite des peines de prison. Oui, très clairement. C'est pour se donner un genre, c'est tellement plus facile quand on tape sur Hitler, on peut tout de suite se faire une petite notoriété. Ouais, non, mais c'est allez taper sur les juifs, vous allez voir ce qui va vous arriver. Non, mais là, il voit que dans nos milieux à nous, on est en force, en fait. Il y a beaucoup de catholiques qui se rendent compte qu'en fait, que peut être catholique et fasciste, que, en fait, ils auraient dû gagner la guerre, hein, qu'on serait moins dans la merde. Et les tenants de cette France fille aînée, machin, ils voient pas ça d'un très bon œil. Du coup, donc voilà, ils balancent leur truc, mais bon. Mais tu avais des propos de table, même sous l'Ancien Régime, avec certains pans de Français qui s'opposaient à Blanche de Castille, lui préférant Saint-Louis, mais encore trop jeune pour régner. Je me souviens que dans ses ouvrages, de Villiers montrait bien la chose. Et c'est un peu ça, en fait, les propos de table hypercritiques, c'est... D'ailleurs, ça va avec, malheureusement, l'histoire de France, comme dans l'optique de souveraineté, on s'opposait à l'Empire. Les Français détestaient les Espagnols et les Allemands. Il y avait cette tendance qui pouvait exister. Et donc, tu avais une hostilité de juste parce qu'elle est espagnole, ouais, c'est elle, tous les problèmes émanent d'elle. Et c'est un peu des trucs conspis, invérifiables, débilos, quoi, ces propos de barre. Là, on est vraiment dans la catégorie des propos de barre. Il y a des critiques, je veux dire, qui sont plus vraies et plus constructives. Là, ça se base sur des trucs faux ou des propos de barre. Donc, on peut passer notre vie et répondre, mais c'est le mensonge. Voilà, tu le fais en 5 secondes, et pour décortiquer le mensonge, tu prends 10 heures parce que c'est infernal. C'est Oleg qui sort Odin à toutes les sauces, quoi. On voit d'ailleurs, en parlant de ça, il faut regarder les vidéos qu'a fait la Biri Youtube, c'est très rigolo. La suite qu'il fait, là, c'est vraiment pas mal. Ouais, on mettra les liens d'ailleurs, c'est vraiment excellent. Et c'est ça, en fait, je suis d'accord avec Greg, c'est que on est dans la période du mensonge julien. Tout le monde peut parler et dire tout et n'importe quoi. Les médias, les personnes via Internet, via les réseaux sociaux. C'est devenu une telle cacophonie que trouver la vérité dans cette cacophonie est devenu vraiment très compliqué. T'as le thème de l'eugénisme aussi. Forcément, pour l'Allemagne d'Hitler, c'était un eugénisme dur quand même. Mais il faut quand même rappeler dans le contexte d'époque, en fait, tout le monde l'était quasiment, même l'auteur Alexis Carrel. Le défendant dans ses ouvrages qui sont très hygiénistes, si l'on veut, il n'est pas bio, mais c'est presque le bio avant l'heure. Et peut-être pour le Troisième Reich, en effet, c'est exagéré avec l'utilisation d'euthanasie qui a été aussi grossie après-guerre. Donc, je crois pareil, Vincent Reynaud essaie de rétablir vraiment dans quelle mesure ça a pu être utilisé. Et c'est moins. Qui a été arrêté d'ailleurs grâce aux catholiques allemands. Et l'opposition, le concordat qui a donné une force puissante aux catholiques, donc ça a permis de l'enrayer. Et puis pour l'eugénisme, moi je veux dire, à la limite, je le suis. Hein, si c'est Alexis Carrel, c'est, franchement, pour le mode de pensée, bien vivre sainement, t'as rien contre hein, quand tu lis l'ouvrage, je veux dire. Sur le bien vivre sainement, il faut voir un petit peu ce qu'avait dit R. Walter Darré, qui me semble qui était le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement. Du Reich qui disait justement que la technique devait être au service de la nature, puisque si l'homme continuait, il disait qu'il y a plus que les chevaux vapeurs et que la technique, il y a des choses qui sont que l'homme a vraiment besoin pour toute sa vie en tant qu'homme, pour savoir d'où il vient et qui il est, et que si on continuait à vouloir tout mesurer, tout quantifier, à tout maîtriser, à tout transformer, on finirait par arriver à un moment où on aurait épuisé la vie elle-même un peu. Ça vient de la vidéo qu'avait fait Rochedi justement par rapport à l'écologie, qui était très intéressant. Et ces propos de Darré me font penser à ce qu'avait dit Ted Kaczynski, Lyuna Bomber, et je me demande s'il ne s'est pas inspiré un petit peu de ça, parce que c'est vraiment, je vous conseille de voir la vidéo, c'est vraiment, la citation est vraiment, vraiment mot pour mot quasiment la même chose, la pensée est la même. La véritable écologie, quoi, dans le sens de la nature. Ils étaient en avance sur leur temps, vraiment. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en ma compagnie. Je vous dis déjà avec un petit peu d'avance, je vous souhaite un joyeux Noël pour commencer. Et je vous dis rendez-vous en 2024 où on deviendra encore un peu plus intolérant que d'habitude. À l'année prochaine. Joyeux Noël et vive l'enfant Jésus. Joyeux Noël à tous et une très bonne année 2024. Joyeuse nativité. Joyeux Noël. teacher were serving, serving USA.